Le sportif coréen qui avait participé aux compétitions internationales ouvertes d'athlétisme de Vietnam 2016 ont regagné le 3 août la patrie par train. Lors des compétitions déroulées du 29 au 30 juillet, Kim Sun-hui s'est classée première à la course de 10 000 mètres pour dames et a décroché la médaille d'argent à la course de 5 000 mètres pour dames. D'autre part, Kim Chul-sun s'est classée troisième à la course de 10 000 mètres pour dames.